Les alliés prioritaires, c'est la vie sociale. Père plan quinquennat. Nalikambe talima ya régie des soirées, mama. Les alliés prioritaires, c'est la vie sociale. Père plan quinquennat. Programme kota alika moya kantite ya mai ya bopeto. Père solo de tandasa ya mobimba. Régis des eaux, allons.